matin. On va faire le tour de la NFL et de la NCAA avec notre ami Hugues Fouché. Salut Hugues! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Hugues, évidemment, on va faire le tour de ce qui s'est passé au cours du week-end. Week-end quand même dans la NFL, où il y a eu quand même beaucoup de surprises. On va commencer d'abord par la NCAA. Qu'est-ce que tu retiens en fin de semaine de la NCAA? Oklahoma, c'est sorti de la course pour une place en série. C'est quand même gros. Ouais. En perdant contre Baylor, ça, pour moi, c'est la nouvelle de la fin de semaine. Donc, c'est terminé. Je vois pas Oklahoma. Là, ils étaient déjà huitièmes. Le comité les avait mis huitièmes. Parce que là, on a les vrais classements, là, d'abord, pour dire, les dernières fois qu'on s'était parlé, là, c'était les classements de journalistes. Là, c'est les vrais classements du comité. Oklahoma était huitième et là, ils vont sortir du top 10. Donc, même s'ils gagnaient le Big 12, ils seront pas à moins d'un miracle en série. Donc, pour moi, c'est la grosse, grosse nouvelle de la fin de semaine. Michigan continue sa route avec une belle victoire sur Penn State. Michigan, la semaine prochaine, c'est le gros match. C'est Michigan contre Ohio State. Ça devrait déterminer ça. Ça, c'est pas dans deux semaines, ça? C'est pas excuse-moi. La fin de semaine, c'est toujours un classique, ça. C'est toujours la fin de semaine du Thanksgiving aux États-Unis. Là. T'as raison, je m'excuse, Denis. C'est vrai, t'as raison. C'est dans deux fins de semaine. Ça devrait se... Si on continue, ça devrait se jouer là. Effectivement, c'est la fin de semaine. J'ai mis la Thanksgiving une fin de semaine trop vite. C'est dans deux semaines, la Thanksgiving américaine. Donc, on va se retrouver avec Michigan contre Ohio State qui devrait déterminer laquelle des deux équipes aura une chance là, d'aller dans les playoffs pour le Big Ten. Mais moi, j'ai beaucoup retenu la défaite, très décevante d'ailleurs, d'Oklahoma. Ah, écoute, hey, c'était la 22e équipe qui était classée dans le top 10 qui ont perdu. C'est fou, hein? Qui ont perdu. Donc, c'est une année, je pense que c'est 2007 l'année qu'il y avait eu énormément de surprises, dont Oregon State qui avait battu Michigan. Oregon State qui faisait partie de la 2e division, qui avait battu Michigan, c'est un classique, ça. 22e équipe. Incroyable. Hey, c'est fou. C'est, mais il y a une constante, Danny. Georgia, encore une fois, qui a complètement qui a marché sur Tennessee, qui n'est pas une mauvaise équipe pourtant. C'est une bonne équipe de 500 dans le SEC, là, qui est la conférence la plus forte. Puis ils se sont fait, ils n'étaient pas de taille, ils se sont fait sortir du terrain par. Ça, c'est une méchante machine de football cette année. J'ai l'impression. Défensive, hein? Oui. Oui, absolument. Je sais pas si t'as vu jouer excuse-moi, son nom m'échappe, le gros 99. En fait, ils sont tous très bons, là, mais ils ont quelques très bons prospects pour la NFL. Puis effectivement, leur ligne défensive, c'est une des bonnes que j'ai vues, là, à NCAA. Donc, ils ont le fun à voir jouer. C'est pas une attaque par la passe qui est très dévastatrice, mais ils courent beaucoup avec le ballon. Ils ont une défensive incroyable. Je pense que c'est leur tour. Ils vont être difficiles à battre. Cincinnati, comment t'es vois? Ah, moi, je trouve ça tellement plat qu'on les a mis cinquième. Ils sont pas dans le Power 5, hein. C'est ça qui est le problème avec eux autres. Ça leur nuit, c'est ça. Puis, mais honnêtement, je vais être franc avec toi. Si Cincinnati ne fait pas le top 4 cette année, à moins qu'ils subissent une défaite, mais s'ils continuent de jouer comme ça, puis ils font pas le top 4 cette année, tant qu'à moi, ça veut dire que les équipes du Group of Five sont exclues des séries en partant, parce que honnêtement, c'est une équipe qui devrait le faire au cours des dernières années. Ils ont prouvé, ils sont super bons, mais le comité, on dirait, veut pas les mettre là. Ça va leur prendre un peu de chance, mais c'est pas impossible, mais ça va leur prendre de la chance. Ils ont encore gagné en fin de semaine, ils sont cinquièmes. On était tous déçus de voir qu'ils avaient mis à l'extérieur du top 4, mais... tu sais, pour les séries, on sait qu'il va y avoir au moins une équipe du SEC, probablement deux. On risque d'avoir Georgia et Alabama dans le top 4. Il va y avoir une équipe du Big Ten, probablement. Puis pour le reste, ça va jouer entre Oregon et peut-être du Pac-12. Puis peut-être Cincinnati, ça peut-être une chance. Moi, j'aimerais ça voir Cincinnati contre Oregon. Je pense qu'ils auraient des chances d'aller chercher ce match-là. Effectivement. Donc, c'est très bien dirigé. Donc, écoute, Georgia, je pense que leur défensive est incroyable. Là. Puis même, on est à deux semaines du Heisman, là, puis c'est pas unanime. Hein? Oui. C'est Bryce Young qui mène, mais semble-t-il. Mais c'est pas unanime non plus. Là. Ah, c'est par l'année passée, il y avait quelqu'un qui semblait dominer, mais cette année, c'est pas ça. Non. Bien, bien. C'est vrai, t'as raison. Ça va arriver vite. Puis il n'y a comme pas de nom qui se démarque cette année par rapport aux années passées. Oui, effectivement. NFL, c'était la semaine des surprises. Il y a eu beaucoup de surprises dans la NFL. Hein. D'abord, quel retour de Cam Newton. C'est incroyable. Oui. On semblait revoir le Cam Newton des beaux jours. Oui, effectivement. Il n'a pas joué beaucoup, par exemple. Okay. Mais il n'a pas joué beaucoup. Ils l'ont mis dans les situations goal line, dans les situations près de la zone début. Mais effectivement, il a fait une course pour un toucher, une passe pour un toucher. Mais comme je te dis, on l'a vraiment embarqué. C'est Walker qui a joué tout le match, puis on a embarqué Newton quand il était, par exemple, à la ligne de deux verges. Mais il a fait son travail. C'était surtout le fun de voir que finalement, il a pu obtenir une chance parce qu'effectivement, il avait perdu son travail. C'était triste la façon qu'il avait perdu son travail à la fin du camp d'entraînement parce qu'il avait connu un bon camp. Il avait rien fait pas correct. Il avait tout dit des bonnes choses, mais. Mais là, quand tu vois Mac Jones, avoir... écoute, j'étais un dessus, moi. Ah oui, non, clairement. C'était un dessus, moi, qui était contre ça, mais je l'avais pas vu jouer. Puis deuxièmement, moi, je t'assis ici, puis Belichick est le meilleur entraîneur de l'histoire de la NFL. Fait que tout sport confondu. Donc, mais c'est le fun, pareil, d'avoir des opinions. Ce qu'on voudra, c'est quand même le fun d'avoir des opinions. Oui. Puis Mac Jones, tu sais quoi, c'est le meilleur. J'ai fait un commentaire. Oui. C'est le meilleur corps recru de la NFL actuellement. Oui. Clairement. Mais c'est sûr qu'il est dans un bon. C'est sûr qu'il est dans un meilleur contexte que d'autres. Par contre, là, Trevor Lawrence n'a pas la chance de jouer pour une bonne. On s'entend là. Mais à un moment donné, il faut prendre la situation telle qu'elle est. On ne peut pas non plus spéculer. Puis effectivement, c'est lui qui joue le mieux. Là, puis il s'améliore il s'améliore pas de semaine en semaine. Là. Des fois, il va avoir des petits. Mais on voit un bien meilleur corps présentement que ce qui était au début de saison, on s'entend. Puis il a bien progressé, puis écoute, oui, c'est le meilleur, puis je vais te dire honnêtement, hier, 19 en 23, pour tu sais, plus que 200 verges, 3 passes de toucher, pas d'interception, recrue ou pas, là, c'est une méchante bonne performance, contre une défense des Browns en plus. Contre la défense des Browns, à part de ça, les Lions de Détroit et les Steelers, 16-16, bah, c'est quand même une surprise, mais Mason Rudolph était à la place de Big Ben. Oui, mais permets-moi juste un commentaire là-dessus. Ouais. Là, pour ceux qui, comme moi, se sont essayés, c'était pas regardable. C'était tellement un mauvais match de football. C'était épouvantable. Alors, j'ai regardé, c'était laborieux. La prolongation était épouvantable. T'avais vraiment l'impression que ça prendrait un pick-six ou un retour de beauté pour qu'une équipe soit capable d'aller marquer. Puis... mais ce Rudolph, effectivement, était pas top. Honnêtement, Jared Goff en arrache aussi cette année. Il fait tout ce qu'il peut pour prouver que les Rams ont peut-être eu raison, finalement, là, de passer à autre chose. Parce que c'est pas de sa faute. Je veux dire, Détroit pas une bonne équipe, mais il joue pas bien quand même. Là. Hier, c'était assez lamentable de le regarder. Puis on n'a pas l'impression que c'est le gars le plus travaillant au monde, Jared Goff. Là, il n'y a pas beaucoup de parce que c'était décevant. C'est une performance décevante, mais écoute, un match nul qui pourrait coûter très cher aux Steelers qui sont en lutte en série. Moi, je suis de l'opinion, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Danny, mais moi, je suis de l'opinion que si tu es un club qui aspire à des grandes choses, il faut que tu trouves une façon de gagner contre un club comme Détroit, même si tu n'as pas ton corps partant. Deuxième cas, écoute, c'est Mason Rudolph, là, tu joues au sol, tu utilises plus. Je sais pas comment Harris était. C'est Harris, le porteur de l'Alabama? Donc, je ne sais pas comment il s'est comporté hier, mais si tu l'utilises plus, avec ça, surtout qu'il va mieux depuis quelques semaines. Là. Oui, mais là, hier, ça n'a pas été très concluant non plus. Un match très difficile, puis comme tu disais, surtout pénible à regarder, là, c'était assez lamentable. Mais on a eu quand même, les Titans du Tennessee ont failli perdre. Oui. Je ne sais pas si ça, ça a passé proche, 23-21. Ouais. Alors, remarque que c'est une poussée de dernière minute, mais reste que si les Saints avaient fait le convertido, ils égalisaient le score. T'as pas Derrick Henry dans la formation aussi, là? Non, ça va leur nuire, mais ils continuent quand même à gagner, puis ils sont 8-2. Jusqu'à date, c'est l'équipe qu'il faut prendre le plus au sérieux dans la conférence américaine. Là. Et c'est... Chargers de Los Angeles qui ont perdu contre... ça, c'est aussi une certaine surprise, contre les Vikings du Minnesota. Ça aussi, c'est une certaine surprise. Oui, quoique par contre, les Vikings, oui, t'as raison, c'est une surprise, je suis d'accord avec toi, mais Les Vikings, c'est vraiment l'équipe, comment je peux dire, qui n'a pas une bonne fiche, qui est la plus dangereuse dans la NFL, parce que tous leurs matchs ont été serrés. C'est pas une équipe que tu es content d'affronter, même s'ils n'ont pas une bonne fiche. Puis je pense que les Chargers ont perdu du rythme, là, puis je suis même pas sûr qu'ils sont dans le portrait des séries présentement. Ils sont pas loin, là, mais je suis pas sûr que les séries commençaient demain. Ils seraient dedans. Ils sont avec cette défaite-là, là, soudainement, ils sont rendus avec une fiche de 500. Donc, ils sont quand même 5-4, excuse-moi. Ils sont un match en haut de 500. Mais ils sont à égalité avec Vegas. Ils sont derrière les Pats à 6-4, derrière les Steelers à 5-3-1, à égalité avec les Bengals. Donc, tu sais, c'est pour une équipe qui semblait vouloir se sauver avec le titre de leur division, à peine 3 semaines, ils sont en chute libre. J'ai comme l'impression qu'ils vont l'échapper. Je sais pas ce que tu en penses, mais soudainement, Herbert a plus l'air. Il est encore très bon, mais il n'est pas aussi dominant. L'équipe très difficile, de savoir qui va sortir de cette division-là. Hein. Maintenant, on parlait des Raiders, mais tous les problèmes hors terrain, Gruden, Ruggs, Arnett, ça ne peut pas faire autrement que d'enlever tout le momentum. Les Chiefs semblent vouloir se replacer. Victoire hier, mais quand même assez très facile contre justement les Raiders. Les Broncos, on ne sait pas trop. Donc, c'est très, très ouvert dans cette division-là. Très. Moi, je continue. Je suis peut-être un peu trop croyant. Là. Moi, je continue à penser que les Chiefs, à un moment donné, vont trouver une façon. C'est quand même la meilleure équipe. Mais ils ont eu quelques très mauvais matchs. Mais je les vois pas nécessairement. Ils vont devoir se rétablir comme favoris au Super Bowl s'ils veulent se rendre jusque-là, parce qu'ils n'ont pas l'air de ça présentement. Mais dans cette division-là, j'ai de la misère à croire qu'ils vont pas trouver une façon de gagner la division. Là, ça va un peu mieux. Mais de toute façon, on le sait, la vraie saison, ça commence à l'action de grâce américaine. Ouais. Tout ce que tu fais avant, c'est qu'il faut que tu te maintiennes dans le peloton de tête, mais ce qui va vraiment se passer à partir, et non pas avant l'action de grâce américaine, c'est à partir de l'action de grâce américaine, c'est là vraiment qu'on va voir. Puis les Chiefs sont quand même dans le portrait, puis c'est quand même une des équipes les plus talentueuses de la Ligue. Ils étaient au Super Bowl l'année passée. Ils l'ont gagné l'année d'avant. Je pense qu'il faut leur donner. Moi, je leur donne le edge dans cette division-là. Je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais c'est pas parce qu'ils ont été impressionnants. C'est quand même les gagnants. C'est quand même. Donc, il faut y aller quand même avec eux autres. Hey, Laurent Duvernay Tardif, comment c'était? Je ne l'ai pas vu, honnêtement. C'est pas un des matchs que j'ai observé. Je prévoyais un peu un sac et puis c'est ce qui est arrivé, donc ça fait pas partie des matchs que j'ai privilégiés à une heure. Donc j'ai pas, pour être honnête, je l'ai pas vu jouer, je pourrais pas vraiment t'en parler, mais je vais faire du rattrapage là-dessus cette semaine. OK. Et c'est le dernier match qu'il fallait surveiller, c'est ce soir, les Rams, les débuts d'Otto Beckham face aux 49ers de San Francisco. Ça va être j'ai hâte de voir les Rams j'ai hâte de voir comment Beckham va se mouler au rip, hein? Écoute, c'est un risque qu'ils prennent. En même temps, ils sont bien tombés parce que Robert Woods est blessé pour le reste de la saison. Alors, Beckham va peut-être pouvoir le remplacer. Donc, à quelque part, ils ont eu la main heureuse. Je sais qu'il y a plusieurs clubs qui étaient après Beckham, dont les Patriots, apparemment. Il retourne chez lui. Je pense qu'il vient de ce coin-là. Il vient de plus du coin de la Nouvelle-Orléans, excuse-moi. Mais je veux dire, pour lui, comment je peux dire ça? Moi, je pense qu'il se joint une bonne équipe, une équipe qui est en ascension. Est-ce qu'ils vont avoir assez de leadership pour être capable de prendre quelqu'un comme Beckham? Puis que ça, parce que, tu sais, c'est pas un gars facile, j'ai l'impression, dans une équipe, Beckham. On va dire une chose, là, c'est un peu cliché, mais c'est vrai, les Rams sont all-in, là. Ouais. Ils veulent gagner le Super Bowl cette année. Ben, surtout que c'est chez eux, là. C'est ça qui aide. Ouais. C'est chez eux, c'est un bon joueur, Beckham, là. Mais en tout cas, j'écoutais Jean Carrier cette semaine dans un podcast, puis il disait que ce qu'il y avait, lui, c'est qu'il n'y avait rien, finalement. Ce qui est arrivé, c'est tout simplement une question de manque de chimie avec Baker Mayfield aussi et tout. C'est tout. Il n'y avait rien de plus que ça. Il n'y avait rien de grave, dans le fond. Mais effectivement, par contre, tu sais, ça fait quand même deux équipes qui décident de se départir de lui, mais ça, c'est vrai que ça veut pas, tu sais, faut faire attention parce que Eli Manning ne jouait pas du grand football non plus quand il est parti des Giants, là. Fait qu'il était peut-être, mais on s'entend que c'est pas un gars, c'est un gars que tu peux rajouter à ton équipe un peu comme les équipes le faisaient avec Terrell Owens dans le temps, mais c'est peut-être pas un gars qui peut faire partie de ton noyau dur, on va dire ça comme ça, là, parce que c'est pas le. Ça semble pas être le meilleur joueur d'équipe. Est-ce qu'il peut donner un coup de main? Moi, je pense, écoute, c'est un risque, mais en même temps, on peut pas dire que les Rams sont. Moi, je pense que quand tu es dans ta fenêtre, je suis de l'école, que quand tu es dans ta fenêtre d'opportunité, puis que tu as une chance d'aller jusqu'au bout, il faut que tu te donnes les moyens. Puis là, je parle pas des équipes là, qui rêvent d'aller jusqu'au bout, mais qui n'ont pas vraiment de chance, puis qui font qui gaspillent stupidement des choix de pêchage. Là, on parle vraiment d'une équipe qui est une aspirante au Super Bowl. Puis ils prennent les moyens qu'ils pensent nécessaires pour y aller. Puis ça, moi, je respecte ça. Tu vas payer la facture éventuellement. Mais cette opportunité-là, elle se présente pas tout le temps. Puis quand tu l'as, ben tu poses les gestes nécessaires. Puis Beckham, personne ne sait si c'est pas le gars qui va te faire un gros jeu dans un moment clé, qui va te faire gagner un gros match. Puis ça Reste va une avoir menace valu pareille. la Ça reste peine. une grande menace pareille Ouais. pour les défensifs. C'est un gars qui Matthew Stafford connaît une bonne saison. Fait que, tu sais, t'auras pas juste à avoir Cooper Kupp à surveiller maintenant, mais tu vas avoir Odell Beckham aussi, Oh, je suis d'accord, c'est sûr que si t'es un demi de coin, là. Danny, puis que t'es face à face avec Beckham, t'espères que le safety t'oubliera pas parce Ouais, que non, c'est t'as pas le clair. goût de te retrouver un contre un contre ce gars-là dans les zones profondes. Fait que oui, c'est encore une menace, t'as raison. Dès qu'il va se pointer le nez un petit peu dans les zones profondes, il va attirer l'attention des demi de sûreté, ça va faire de l'espace pour les autres. Tu sais, tout ça est vrai, là. Il est un bon joueur. Moi, je pense que c'est une occasion incroyable. Moi, je pense qu'il va se gouverner en conséquence. J'ai l'impression j'ai pas l'impression qu'il va faire des problèmes. J'ai plus l'impression qu'il va être bien content de se retrouver là, là. Oui, effectivement. On s'en reparle un autre tantôt, Hugues. Oui, Ouais. absolument. Donc voilà, c'est le commentaire de Hugues Fouché.